Lisons ensemble un passage. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou aimera l'autre, ou s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc, Jésus connaît ses œuvres à l'église de Laodicée. L'église de Laodicée est là pour, non pas pour les choses spirituelles, mais pour ce que les choses spirituelles peuvent produire pour eux. Jésus les invite à acheter des richesses spirituelles. Ils achètent de moi de leur faim, de leur éprouvé par le feu. Achète de moi des vêtements blancs pour que tu ne sois pas trouvé nu et honteux. Ajoute-moi un collier pour ouvrir tes yeux, parce que tu es aveugle spirituellement. Jésus appelle les tièdes à la repentance. Repens-toi. Repens-toi. Et donc, cette église s'est détournée de la vérité, s'est détournée de la raison d'être de la vie chrétienne qui est Dieu. La raison d'être de l'église, c'est de servir Dieu, c'est honorer Dieu, c'est glorifier Dieu, c'est adorer Dieu. L'église est devenue maintenant plutôt une religion. Je me souviens un moment donné, j'avais dit à un homme, à un prêtre, « Votre religion, c'est faite pour les riches, ça prend de l'argent. Toutes les petites bénédictions de Dieu, il faut payer pour les avoir. » Donc, Jésus réagit très mal aux tièdes. Il les rejette, il les vomit. Et il les appelle à la repentance. Une repentance à salut, et non pas une repentance contre le matérialisme. Parce que le matérialisme, ici, a pris une place plus importante dans leur vie que Jésus lui-même. Une troisième raison pourquoi Jésus va nous devons pas être des tièdes, une autre raison pourquoi, c'est parce que Jésus a une promesse pour ceux qui vont vaincre la tiédeur, au verset 21. Il fait une promesse. Une promesse à celui qui va vaincre, celui qui va résister à la tiédeur. La première chose qu'il dit, il dit, je vais souper avec lui. Je vais entrer chez lui. Ça, c'est la première promesse. Je suis à la porte de ta vie. Je ne suis pas dans ta vie. Je suis à l'extérieur de ta maison. Je me tiens à la porte et je frappe. Ouvre-moi la porte. Je vais rentrer chez toi et je vais avoir une relation avec toi. Ici, n'appelle pas le chrétien à le faire entrer dans sa vie. Si le chrétien il est dans sa vie. Mais je me tiens à la porte. Fais-moi entrer. Donc, toute personne qui va se repentir dans l'Église, elle va rentrer. Et la première promesse, je vais venir dans ta vie, je vais souper avec toi, je vais être en relation avec toi. Deuxième, il dit, si tu vas vaincre ça, je vais te faire asseoir sur le trône avec moi. Tu vas t'asseoir avec moi sur mon trône, et moi je t'assieds avec Dieu sur son trône. Donc, tu vas t'asseoir avec moi. Et tout ce que ça veut dire, dans le fond, tu vas régner avec moi. Tu vas régner avec moi. Remarquez bien au verset 19 que Jésus reprend l'Église de la Odyssée parce qu'il l'aime. Il sait qu'elle est dans les problèmes. Il sait que ça ne marchera pas son affaire. Jésus châtie et reprend ce qu'il aime. Jésus aime le monde entier. Il appelle le monde entier à se repentir et abandonner maman et à venir à lui. Où en es-tu? Où en es-tu? Jésus dit, qu'est-ce qui ont des oreilles pour entendre, entendre? À chaque église, Jésus a demandé à l'église de s'arrêter. Il a dit à l'église d'Éphèse, tu as abandonné ton premier amour. Repends-toi, ou je vais enlever ton chandelier. Il dit à l'église de Smyrne, n'aie pas peur de ce que tu vas souffrir. Accepte de mourir. Et tu ne subiras pas la seconde mort. Mais si tu refuses de mourir pour moi et tu me rejettes, ou tu me remets pour sauver ta vie, tu vas avoir à subir la seconde mort. Ensuite, il dit à l'église de Pergame aussi de se repentir. Parce qu'il y avait dans son église des gens qui agissaient comme Balaam et Balak. Une église qui avait des grands moments de difficulté. Mais il y avait des gens dans son sein, qu'il voulait les entraîner à l'idolâtrie, comme Balaam, comme Balak qui voulait utiliser Balaam pour détruire le peuple de Dieu, détourner le peuple de Dieu de la vérité. Dis, repens-toi, ou je te combattrai avec l'épée qui sort de ma bouche. Ensuite, l'église de Thyatire. Parce qu'au sein de l'église de Thyatire, il y a une femme, Jézabel. Jézabel qui est un type, qui est une illustration ou une image de celle qui avait entraîné le peuple d'Israël dans l'idolâtrie avec les Astartés et avec les Baals dans l'Ancien Testament. Il dit, il y a quelqu'un dans ton église qui entraîne l'église à s'éloigner de la vérité. Qui commettent l'adultère avec lui, avec elle. L'adultère, ça veut dire qu'ils vont vers d'autres dieux. Et Dieu dit, repends-toi. Parce que je vais te détruire. Ensuite, il y a l'église de Sardes. Qui pense pour être vivante, mais à qui il dit tu es morte. Repends-toi. Repends-toi. Ensuite, on a vu que la Odyssée ce matin dit repends-toi aussi de ta tiédeur. Donc, l'Église est appelée à s'examiner. À chaque fois, à chaque Église, je me suis demandé personnellement, où est-ce que j'en suis? Si Jésus n'aurait pas révélé aux églises de l'Asie leur état d'âme, il ne l'aurait pas su. Il ne l'aurait pas su. Et Jésus, ce matin, nous parle à nous à travers toutes ces églises-là, puis dit, examine-toi, regarde. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Es-tu là pour moi? Es-tu là pour moi? ou si tu es venu à moi parce que tu voulais avoir de quoi. Tu voulais avoir le pardon de tes péchés, tu voulais aller au ciel, tu voulais pas aller en enfer. Donc, tu es venu pour toi, tu n'es pas venu pour moi, tu es venu pour avoir de moi quelque chose. Et là, maintenant que tu l'as, tu restes tranquille, tu fais plus rien. Est-ce que tu es là pour moi? Demandons au Seigneur, Seigneur, toi qui connais les cœurs, montre-moi. David dit, montre-moi si je ne suis pas sur un chemin de perdition. Montre-moi si je suis vraiment sur le chemin qui mène à l'éternité. Et si je vais dans sa grâce, Dieu vous montre que vous êtes menti à vous-même, que vous êtes leurré à vous-même. Repentez-vous. Et venez au Seigneur Jésus, non pas pour obtenir de lui, mais dans la repentance. Repentez-vous. Venez à lui, pour le servir, pour le glorifier, pour le faire connaître, pour que son nom soit exalté et élevé. Parce que nous avons été créés pour être des serviteurs et non pas pour être servis. Que cela puisse nous aider et nous faire grandir dans ces études ou à travers ces études que nous avons faites. La semaine prochaine, nous allons voir ensemble Apocalypse 4. Et à partir d'Apocalypse 4, Jésus va donner aux églises, de 4 jusqu'à la fin, des raisons pour lesquelles ils devraient se repentir. Des raisons positives et des raisons négatives. Donc, la semaine prochaine, nous allons être invités par l'ange. Monte ici, dans le ciel, et je vais te montrer ce qui va arriver dans l'avenir. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à chacun. Amen.